DJ Tutus, bad boy. Ooh, and the best that what she like. Ooh, bad girl move up in the style. Ooh, she bend over, I see doctor. Ooh, back it up, stay between us. Ooh, ooh, ooh, cha. Ooh, ooh, between us. Ooh, ooh, ooh. Met son plus fort, pas ni masque encore. Quel boucher toko, rive à terre ou pas encore. Ini sa en tchor, rive en kaila nou ka foute del bord. Ouh, à peine tourné jadou devant moi. Oh, la bête penchée manka ouè flou. Ou pique échappé, franchement chapeau. Foutou chata, tu tu speak up à peau. Ouh, and the best that what she like. Ouh, bad girl move up in the style. Ouh, she bend over, I see data. Ouh, back it up, stay between us. Ouh, and the best that what she like. Ooh, bad girl move up in the style. Ouh, she bend over. Bas café teka, peke ni teku, tant pis ça qui en rita. Priez moi laisser kishta, faut que ça déborde. De, manque à défio pas bandé. De, pare ba nous de tchikou. En l'homme et hijis ni en floupe, chaque coup obligé sorti en loupe. La bête gosse et bagage en saute. De yes à mon toujours tout bout de fond à la sorti de Guadeloupe. Patron! Ooh, and the best that what she like. Ooh, bad girl move up in the style. Ooh, she bend over, I see data. Ooh, back it up, stay between us. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, between us. Ooh, ooh, ooh. Dios agasso.